Cette semaine au Mathieu Plancheau. Dans Terre Végine, les affiches d'une série d'Amazon avec des aigles nazis sont retirées d'un métro. Ici, c'est fou fait controverse parce qu'on utilise le mot fou, on va devoir changer de nom pour c'est mentalement déficient. Dans segment Geek Célix, des lunettes électroniques pour traiter les troubles de la vision des enfants. Insérez un commentaire ironique ici sur l'utilisation d'électronique contre les problèmes causés par les gadgets électroniques. Et dans Merci Science, les hommes mangent beaucoup plus en présence des femmes. On Mathieu Plancheau tout de suite. Et voici celui qui mange en ce moment en espérant attirer un public féminin à l'émission. Je pense que ça fonctionne. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 23 novembre 2015, la chronique télévisuelle Television, la chronique de science, technologie et médecine, merci science, le segment Geek Célix et c'est un fait Tech Edition à la toute fin. Pour commencer, par contre, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. J'ai trouvé mon beat très très bon dans cette introduction d'émission. Poum petit tac, poum petit tac. Tu vois comment c'est? Je l'ai, le beat là. On commence avec quelque chose qui va vous faire plaisir à vous, chers auditeurs, jeunes fringants. On s'en va entendre, oui, la chanson thème de Pokémon version jazz par Sarah Nimitz. Tout de suite. Au Mathieu Plante Show, ça va être bien, bien spécial. Mais vous allez adorer ça. Ouh, oui. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. In a world we must defend. Pokemon, our hearts so true. Our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them. Oh, gotta catch them. Every challenge along the way, with courage I will face. I will battle every day to claim my rightful place. So won't you come with me? The time is right. There's no better team. Arm in arm we'll win the fight. It's always been our dream. In a world we must defend. Pokemon, our hearts so true. Our covers will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Ooh. da-da-da-da-da. Oh, oh, oh, oh, Pokemon, it's you and me. I know with our destiny, Pokemon, you're my best friend in a world we must defend. Oh, oh, our heart's so true. Ça ressemble à ça. Hein. C'est la nouvelle mode en 2015 de mettre une minute de silence à la fin de chaque chanson. La chanson de Pokémon version jazz, c'est ça, il me semblait aussi. La chanson jazz donc de Pokémon, c'était par Sarah Nimitz. Voilà. Le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr. Et maintenant, ben, c'est la première chronique de l'émission. Hein? Voici Television, Television. J'avais arrêté le son. Allez, ça va bien. Attention, et... C'est Télévision, Télévision de la chronique télévisuelle des 7 derniers jours. Commençons avec la seule et unique nouvelle du Québec. C'est la réalisation d'un générique pour une série française, mais au Québec. Christian Langlois et Mémoire Liquide participent à la réalisation du générique d'ouverture de la série télé Versailles, produite par Canal+. La série originale Versailles est consacrée à la vie de Louis XIV et à l'ascension de Versailles comme puissance culturelle et politique mondiale. Le générique est une sorte d'ode aux grands travaux du Roi Soleil, du modeste pavillon de chasse à la construction de plus somptueux châteaux d'Europe, en passant par l'érection du plus grand empire de France. Christian Langlois, réalisateur chez Les Enfants, Mémoire Liquide et Fly Studio, ont participé à la création de ce générique en y assurant la création visuelle et la réalisation. Ils souhaitaient retranscrire la domestication absolue du territoire engendré par Versailles. Le château a été le théâtre de la démesure, des plus belles fêtes et de la vie sociale la plus sophistiquée d'Occident. Ce générique veut illustrer cette brisure et ses scissures par un graphisme moderne qui tranche l'imagerie classique de la monarchie, évoquant cette rupture et la naissance de nouvelles images pour l'aristocratie et le pouvoir. Je vous invite à aller voir le générique au complet sur assemblagerequis.com. Il y a des cornes d'animaux là-dedans, il y a des plumes, il y a des couleurs pastel, il y a des chevaux dans l'eau, il y a plein d'affaires, donc c'est Versailles. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. On parle de télé en général, les abonnés auront plus de flexibilité au Canada. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes va de l'avant avec sa nouvelle réglementation des services de télé qui offrira aux Canadiens plus de flexibilité lorsqu'ils s'abonneront à des forfaits satellites et par câble. Les entreprises de câble de distribution et de satellites devront offrir les forfaits à la carte ou de base à petit prix en date du 1er mars 2016. À compter du 1er décembre 2016, ils devront présenter les deux options à leurs clients. Le CRTC a annoncé sa nouvelle politique qui met en place une nouvelle réglementation à la suite de consultations menées l'année dernière. Le nouveau forfait de base doit inclure les chaînes locales selon la région et des chaînes qui apparaissent sur la liste obligatoire de la distribution du CRTC. Les téléspectateurs pourront y ajouter des services de programmation à titre individuel ou en petit forfait. Les nouvelles règles exigent également que les entreprises plafonnent à 25$ le service de base de la télévision. Je cite... Le service d'entrée de gamme vise à offrir aux Canadiens un service de base réduit à un tarif plus abordable tout en poursuivant l'atteinte de l'important objectif de politique visant à raccorder la priorité aux services de télévision oui canadien, puisque note le CRTC dans sa nouvelle politique. On va maintenant chez Bell, qui devient le diffuseur officiel au Canada de la programmation de HBO. Corus Entertainment arrêtera progressivement les activités de ses services de télévision payantes. Alors que la bibliothèque hors d'onde complète est présentement accessible sur Crave TV, son service de vidéo en continu sur demande, Bell Media a conclu une nouvelle entente à long terme avec HBO selon laquelle elle deviendra le diffuseur canadien exclusif de la programmation de la marque au cours de la prochaine décennie. Corus abandonne ses droits de diffusion du contenu HBO au Canada afin de permettre à Bell Canada de devenir le seul exploitant de contenu HBO à l'échelon national. Ainsi, l'entreprise offrira en exclusivité toute la programmation actuelle comme Game of Thrones, Veep et Girls et Passé et celle de la bibliothèque hors d'onde de HBO sur ses plateformes linéaires sur demande et par contournement. Ça, c'est le terme en français pour Over the Top, donc OTT, ce qui veut dire qui n'est pas une boîte câblée mais une boîte média qu'on peut acheter en magasin comme une Roku Box, des trucs comme ça. Donc en français et en anglais, le contenu en français de HBO continuera d'être diffusé sur la chaîne de télévision payante Super Écran qui appartient déjà à Bell. De plus, Bell Media transformera The Movie Network, auparavant offert exclusivement dans l'Est canadien, en service de télévision payant national. Pardon, télévision payante nationale au premier trimestre de 2016, ce qui portera le nombre total de ses abonnés à environ 2 millions dans tout le pays. C'était déjà pas logique qu'il y ait deux versions, il y avait Movie Network et Movie Central, c'était vraiment bizarre. Donc, Corus Entertainment arrêtera progressivement les activités de ses services de télévision payante que je viens de mentionner, Movie Central et Encore Avenue dans l'Ouest et le Nord canadien, afin de se concentrer sur ses principales marques de médias nationales. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait The Movie Network qui diffusait une certaine programmation dans l'Est, qui était chez Bell. Il y avait Movie Central dans l'Ouest qui appartenait à Corus, donc il y avait, c'est un peu, si on veut rapprocher ça au niveau local, c'est un peu comme la bataille entre Cogeco et Vidéotron. C'était pas exactement la même chose, mais chacun avait son territoire précis. C'était vraiment compliqué pour rien. Maintenant, ça va être pas mal plus intuitif pour tout le monde. Donc, Bell Media et HBO ont également annoncé la mise en place d'un nouveau programme de développement de production originale. Les deux sociétés produiront conjointement du contenu original dramatique, humoristique et factuel canadien pour leur plateforme et en vue d'une distribution internationale. Plusieurs projets ont déjà été sélectionnés pour être développés par les sociétés de production Inverted Pictures, Artist Studio, Rhombus Media et Force 4 Entertainment, de plus des présentations spéciales de HBO Comedy mettant en vedette des humoristes canadiens établis et émergents seront également considérés parmi ces projets. Et on rappelle que plutôt cette année, Bell Media avait annoncé que tous les Canadiens ayant accès à Internet pourraient s'abonner à Crave TV à compter de janvier 2016 et les modalités financières de l'accord avec HBO n'ont pas été divulguées. On va aux États-Unis maintenant où la série Wicked City a été annulée après 3 épisodes et c'est officiellement, pour ceux qui l'avaient dans leur pool, la première série annulée aux États-Unis! Yeah! La série Wicked City a été annulée après seulement 3 épisodes. Ça a été lancé le 27 octobre avec Ed Westwick. Et ça a été retiré de l'antenne et annulé après par ABC. La série portée par l'ancien acteur de Gossip Girl n'a pas séduit les téléspectateurs américains. Si près de 3,3 millions de curieux ont regardé le premier épisode, la série a perdu en moins de 3 semaines près de 50% de son audience. Ainsi, l'épisode 3, diffusé le 10 novembre dernier, a été suivi par seulement 1,6 million de personnes. Wicked City est la première donc série officiellement annulée de la saison. On donne un petit peu plus de chance de nos jours comparé aux années passées. Les 10 épisodes de la première saison de cette série anthologique devaient suivre deux inspecteurs de police à la poursuite d'un tueur en série dans le Los Angeles des années 1980. ABC a choisi de programmer des rediffusions de l'émission Shark Tank en remplacement de Wicked City. Shark Tank, qui est la version américaine là, de Dans l'âme du dragon, de bouche du dragon, d'aquarium, de requin, de patente, d'invention. Hein? C'est cette émission-là. Une reprise coûte moins d'argent à rediffuser sur un grand réseau. Ils perdent moins d'argent que de mettre une série qui est peu écoutée et qui est une production originale. Pour eux, ça a du sens. Pour le grand public, on se dit, ben quand Aline fait juste les diffuser, vous les avez déjà payés. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Ils vont sûrement se retrouver sur le site de abc.com. Toujours aux États-Unis, un rôle pour Jason Momoa dans la série Frontier. L'acteur Jason Momoa, qu'on peut notamment voir dans la série Game of Thrones, a décroché le premier rôle dans l'émission Frontier. Non, c'est pas la version américaine de Fortier, dans le temps. La première série originale du réseau Discovery Canada. La série dramatique... Canada? Je n'ai absolument pas vu que c'était canadien, je m'excuse. La série dramatique dont on va plonger les spectateurs au 18e siècle dans la bataille parfois sanglante pour contrôler le commerce de la fourrure en Amérique du Nord. L'émission est filmée en résolution 4K. On prévoit pour le futur quand les gens vont avoir des télé 4K. Les tournages ont débuté à Saint-Jean à Terre-Neuve, à Morrisburg en Ontario, à Louisbourg en Nouvelle-Écosse et à Cornwall au Royaume-Uni. Oui, Robert Blackie et Peter Blackie ont créé les 6 épisodes d'une heure. Le réalisateur canadien Brad Peyton sera à la barre des 2 premiers épisodes. La distribution comprend également Alan Armstrong, Landon Liboron, Zoe Boyle et Alan Hocko. La série est produite par les maisons indépendantes canadiennes Take the Shot Productions et Factory Backwards. Frontier sera diffusée l'an prochain au Canada sur les chaînes de Bell Media Discovery, de Bell Media, virgule, Discovery, Discovery Go et Crave TV, et sera diffusée sur Netflix sur les marchés internationaux. Là, ça, c'est vraiment américain. Les auteurs de How I Met Your Mother se remettent au travail. Carter Baze et Craig Thomas ont proposé une nouvelle série à CBS, chaîne qui a diffusé pendant 9 ans leur comédie Comment je l'ai rencontré, indique Deadline.com. Pour sa deuxième collaboration avec le réseau, le duo a préféré rester à New York, la ville qui lui avait porté chance pour narrer les péripéties de Ted, Barney et les autres, de 2005 à 2014. Dans New York Mythological, une Américaine du Midwest emménage à Manhattan et expérimente la magie new-yorkaise. Moi, là, personnellement, Mathieu Planck, choisirais l'actrice qui jouait la mère dans Comment j'ai rencontré, parce que sa dernière série, A to Z, sur NBC, n'avait vraiment pas fonctionné. Et je suis pas mal certain qu'elle ferait une très, très excellente vedette d'une série télé. Et vedette de ma vie amoureuse. Carter Biggs et Craig Thomas écriront et produiront l'épisode pilote qui devrait être présenté au printemps à CBS dans l'espoir d'être retenu pour la saison 2016-2017. Et on espère que ça va avoir plus de chances que leur précédente proposition, qui était How I Met Your Dad, dérivée de leur comédie phare qui avait absolument pas décollé, mais c'était pas avec les mêmes acteurs. Pour vrai, s'ils faisaient juste mettre la mère... Tu sais, je dis pas de spoiler, mais il y a une mère à un moment donné parce que ça s'appelle How I Met Your Mother. Il avait essayé de faire un pilote, mais sans elle. C'est normal que ça fonctionnait pas. C'était juste de prendre un titre similaire avec... Non, ça marche pas. Maintenant, la série dérivée de Sons of Anarchy en développement. La série dérivée, donc, portant sur l'univers des motards Mayans, n'est pas une idée en l'air. L'auteur original Kurt Sutter a admis à Deadline.com que le projet avançait, mais qu'il n'en serait pas l'auteur. Je cite, « La chaîne est très chaude à l'idée de la série dérivée sur les Mayans, mais je ne l'écrirai pas. Je veux trouver la bonne personne pour le faire, et la prochaine chose à l'agenda est de m'asseoir et de discuter avec des auteurs latinos, quelqu'un qui comprend le monde et la culture latine. Je ne voudrais pas simplement lancer un gars blanc dans cette aventure, a-t-il expliqué. » Sons of Anarchy a infiltré l'univers des motards pendant 7 saisons. Sutter a joué un rôle mineur dans la série, celui de Otto Delaney. Il est depuis marié à Katie Segal, l'interprète de Gemma Taylor, un des personnages principaux de la série. Le plus récent projet de Sutter est Bastard Executioner et il n'a pas été renouvelé, malheureusement, après une seule saison. Vin Diesel a utilisé son compte Instagram pour annoncer qu'il n'y aura pas de nouveau film de... Pardon. On va recommencer ça parce que c'est comme exactement le contraire de ce que je veux dire. Vin Diesel a utilisé son compte Instagram pour annoncer qu'il y aura un nouveau film de la franchise Riddick, ça je m'en fous, ainsi qu'une nouvelle série télé dérivée. Tu vois, c'est là que ça va dans Television. Il a posté sur son compte Instagram, je cite, « La nuit dernière, notre société a organisé une fête pour lancer notre division télévision. Merc City est une émission qui suivra les Mercs et Bounty Hunters de l'univers Riddick. Le mois prochain, DT commence à écrire le prochain chapitre des Chronicles of Riddick, Furia. Hein? » DT, c'est David Toohey qui a écrit et réalisé les trois films de la franchise Riddick, dont Pitch Black en 2000, The Chronicles of Riddick en 2004 et Riddick en 2013. Toohey a également, a également écrit les deux courts-métrages d'animation The Chronicles of Riddick Dark Fury et Riddick Blindsided. La franchise Riddick met également en vedette quelques favoris des fans du genre, tels que Keith David, qu'on connaît de The Thing, Carl Urban de Star Trek et Dread, Katie Sackhoff de Battlestar Galactica et Dave Bautista de Guardians of the Galaxy et Spectre. Voilà. Maintenant, on a terminé pour les États-Unis, on s'en va ailleurs dans le monde où Arte lance des programmes en anglais et en espagnol. On avait abordé le sujet il y a quelques semaines de ça, sinon quelques mois. La chaîne de télévision, sûrement pas quelques mois parce qu'on est en ondes depuis septembre. La chaîne de télévision franco-allemande Arte a lancé à Bruxelles une sélection de programmes sous-titrés en anglais et en espagnol accessibles sur Internet. Arte devient quadrilingue, a souligné la chaîne dans un communiqué. Une douzaine d'heures de programmes sera disponible chaque semaine. Parmi les plus emblématiques de la chaîne culturelle à vocation européenne, comme Tracks, le rendez-vous des contre-cultures, Arte Reportage consacré à l'actualité européenne et internationale, ou encore le magazine culturel Métropolis. La nouvelle offre gratuite a été cofinancée par la Commission européenne. Les programmes sont disponibles sur arte.tv, arte.tv, /en pour anglais et /es pour espagnol, ainsi que via les plateformes arte.tv et arte+7. Avec la fin de l'année, l'offre sera également accessible sur les télévisions connectées. La chaîne envisage également une chaîne en polonais et une autre en italien, a-t-elle précisé. Les enfants du millénaire aiment toujours la télévision, mais l'écoutent différemment. L'année de la télé des enfants du millénaire, une analyse spéciale pour la Journée mondiale de la télévision. Hein? À l'occasion de la Journée mondiale donc de la télévision, l'Observatoire des technologies médias, OTM, se penche sur les habitudes d'écoute de la télévision des enfants du millénaire, donc les 18-34 ans, qui ont grandi à l'époque de la personnalisation. Ils dressent leur profil, ils ont toujours obtenu le contenu vidéo et télévisuel qu'ils voulaient au moment et à l'endroit de leur choix, mais quels sont les effets de ce glissement des habitudes de consommation sur l'avenir de la télé... Voyons! Le mot télévision est dans le nom de la chronique, je devrais pas m'en faire jeter dessus. Hein. Les enfants du millénaire aiment toujours la télévision. 95% des enfants du millénaire ont regardé la télé au cours du dernier mois. Cette proportion était de 96%. Il y a 10 ans, on a baissé d'un seul pourcent. C'est la plateforme utilisée pour l'écoute de la télévision qui change. Les enfants du millénaire sont plus de deux fois plus nombreux que les Canadiens plus âgés à regarder les émissions de télévision au complet en ligne ou du contenu télévisuel sur Netflix. Et même s'ils passent la majorité de leurs heures d'écoute devant la télévision, le téléviseur, oui, le temps d'écoute est deux fois moins important que celui des Canadiens plus âgés, 7,4 heures contre 15,7 heures. Comparativement aux Canadiens plus âgés qu'eux, les enfants du millénaire sont plus nombreux à être des téléspectateurs sans contrainte. Ils regardent seulement la télévision en ligne au lieu d'avoir un abonnement payant ou une antenne captant la télévision hertzienne. Donc 19% des enfants du millénaire contre 4% des Canadiens plus âgés. Très intéressant et je me sens complètement concerné par ça. Jamais je ne serai esclave d'une télé. Jamais. Parlant de ne pas être esclave de la télé, soyons esclaves d'Internet maintenant avec des nouvelles de la télévision sur Internet. Hein. C'est une très belle transition, j'ai utilisé là, félicitez-moi. Netflix prépare sa version de Perdu dans l'espace. Donc une nouvelle version de Lost in Space, Perdu dans l'espace en version française. D'après les informations du site Deadline.com, la plateforme de diffusion en continu serait actuellement en train d'écrire la nouvelle version. En fait, je pense pas qu'une plateforme puisse écrire. Donc j'imagine que la plateforme a engagé des gens pour écrire la nouvelle version de cette série de science-fiction des années 60. Je me trouve bien drôle. Les 83 épisodes, dont les 28 premiers en noir et blanc de Perdu dans l'espace, ont été diffusés sur la chaîne américaine CBS entre 65 et 68. Le scénario de la série originale créée par Irwin Allen raconte les aventures de la famille Robinson. Celle-ci est obligée de quitter la Terre surpeuplée pour aller coloniser d'autres planètes. Leur vaisseau est mystérieusement saboté et la tribu dérive alors dans l'espace. La série concurrente de Star Trek avait déjà fait l'objet d'une nouvelle version au cinéma en 98 avec Matt LeBlanc et Gary Oldman au sein de la distribution. Le réalisateur Neil Marshall, qu'on connaît pour Game of Thrones, serait chargé de réaliser cette nouvelle série. Le retour de nos amis de Gilmore Girls à la manière des Gilmore est enfin confirmé. La populaire comédie familiale sera relancée par Netflix avec les acteurs originaux selon le Hollywood Reporter. La créatrice Amy Sherman-Palladino et les vedettes Lauren Graham et Alexis Bledel, Kelly Bishop et Scott Patterson seront tous de retour dans une mini-saison de 4 épisodes, ce qui permettra aux fans d'oublier la 7e saison qui avait été diffusée après le départ de Amy Sherman-Palladino. C'est complètement différente comme saison. Probablement que la plupart des choses qui sont passées dans cette série-là vont être rétroactivement annulées d'une façon ou d'une autre. Il est aussi à noter que Daniel Palladino sera également de retour comme producteur délégué. TVLine.com a indiqué que la série se déroulera dans le temps présent après un saut de temps significatif. Il y aura aussi un plan en place pour revoir tous les petits amis de Rory. Milo Ventimiglia serait également en pourparlers pour reprendre son rôle de Jess, l'ex-petit ami de Rory. Spoiler alert dans le cas de ceux qui n'ont pas vu la série parce que... le neveu de Luke Danes, Scott Patterson, c'est donc son rôle. Je cite ici, « J'ai toujours été assez loquace concernant Gilmore Girls et je sais que tout le monde attend et je me suis dit ce ne se produira jamais. Et finalement, ça s'est produit », a écrit l'acteur de 38 ans sur une photo de réunion de la distribution du ATX Television Festival cette année, ajoutant qu'il a reçu un courriel des producteurs. Pour ce qui est de Lisa Weil, qui personnifie Paris Geller dans la série, il ne dit pas non à un retour. Blablabla. On sait par contre que Melissa McCarthy ne devrait pas revenir, celle qui jouait Sookie St. James. Depuis la fin de la série en 2007, sa carrière a vraiment grimpé en flèche pour commencer à la télé avec Mike and Molly et ensuite au cinéma avec The Heat et Ghostbusters prochainement. Après 7 saisons et 153 épisodes sur The WB puis sur The CW, Gilmore Girls reviendra sous forme de 4 épisodes de 90 minutes, donc 4 téléfilms si on veut, sur Netflix en 2016. La nouvelle version devrait entrer en production tôt en 2016. J'aurais fait des épisodes plus courts et plus nombreux. Je trouve qu'il me semble que c'est 90 minutes, c'est long pour un épisode. Donc, Game of Girls qui raconte la relation complice et même privilégiée de Lorelai avec sa fille Rory, qu'elle a eue à 16 ans, parsemée d'histoires d'amour de l'une et de l'autre, et des relations avec les grands-parents de Rory et les personnages secondaires rencontrés dans la petite ville où elles vivent, au travail de Lorelai ou au lycée d'élite de Rory. Voilà. Maintenant, notre nouvelle d'intro, j'en ai parlé en tout début d'émission, les aigles nazis dans le métro, les affiches d'une série de Amazon sont retirées. Une campagne publicitaire d'Amazon pour sa nouvelle série dans le métro de New York, reprenant notamment l'aigle nazi, a été vivement critiquée au point que le dispositif a été retiré. La nouvelle série télévisée produite par Amazon s'intitule « The Man in High Castle » et est inspirée du roman éponyme de Philip K. Dick. Ça voudrait dire que le roman s'appelle Philip K. Dick, je crois. Diffusée depuis le mois dernier, elle se déroule durant les années 60 aux États-Unis, pays occupé par les nazis et leurs alliés japonais, qui auraient gagné dans ce scénario la Seconde Guerre mondiale. Pour assurer la promotion de la série, Amazon avait été autorisé par l'autorité des transports new-yorkais, la Metropolitan Transportation Authority, la MTA, à recouvrir les sièges de la ligne S du métro de drapeaux américains imaginés par les auteurs. Sur l'un, utilisé pour la partie est des États-Unis, figure l'aigle nazi et la croix de fer allemande, tandis que l'autre, qui flotte sur la partie ouest, reprend le graphisme de celui utilisé par les Japonais entre 1870 et 1945. Une pluie de critiques s'est rapidement abattue sur Amazon, accusé d'avoir utilisé ces symboles à des fins publicitaires sans explication à destination des usagers. Je cite « Voir le drapeau américain associé à un symbole nazi est viscéralement choquant parce qu'il n'y a pas de contexte pour en expliquer le sens ». a déclaré l'Anti-Defamation League, l'association de lutte contre l'antisémitisme. Je cite encore, nous ne disons pas que les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, mais simplement qu'il y a un manque de sensibilité dans cette campagne. Fin de la citation. Parlementaire de l'État de New York, Jeffrey Dinowitz, a lui estimé qu'il s'agissait de publicité vulgaire et agressive. Le maire de New York lui-même, Bill de Blasio, s'est dit favorable à ce que les drapeaux adhésifs qui recouvraient les sièges soient retirés des rames. Une source proche du dossier a indiqué à l'agence France-Presse que ces affiches seraient retirées. Et c'est déjà fait. Étant donné qu'on n'a pas de chronique radio, j'inclus les chroniques, les nouvelles de radio dans Television, vous m'en excuserez. CBL lance une campagne de financement. La station de radio communautaire montréalaise CBL a lancé une importante campagne de sociofinancement dans le but d'assurer le maintien de ses activités. Et comme c'est très très à la mode et tout le monde, même peu importe la grosseur, même les gros, même la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, on en parlait dans le bloc pub récemment, a commencé sa campagne de sociofinancement. Et le CIBL, une grosse radio communautaire qui reçoit des subventions, fait aussi une campagne de sociofinancement. Donc, cette radio citoyenne qui célèbre 35 ans cette année a comme objectif d'amasser 35 000 $. En fait, dans mes commentaires que je viens de faire, là, je dis pas qu'on devrait pas donner d'argent, là, vraiment pas, absolument pas. Juste que, tu sais, il y en a qui sont plus gros que d'autres, puis il y en a qui méritent un petit peu moins d'argent, mais quand même, 35 000 $, c'est pas trop gros. Cette campagne de financement, j'essaie vraiment de m'en sortir. De financement a été donc jugée vitale par son directeur général Gilles Labelle. Des mesures financières restrictives ont été prises au cours des derniers mois afin que cette radio puisse poursuivre sa mission. CBL est entrée en onde en 1980, se veut une université de formation et d'expérimentation. Plusieurs personnalités du paysage médiatique québécois y ont développé leurs talents, notamment Jean-René Dufort, Monique Giroux, Rock et Belles Oreilles, Marie-France Bazot et Bruno Blanchet. CBL loge depuis 5 ans dans un édifice érigé à l'angle Saint-Laurent et Sainte-Catherine, en plein cœur du quartier des spectacles à Montréal. Et je retire mes commentaires de tantôt, pour vrai, je connais tellement pas le dossier que je peux pas chialer, tu sais. Et je suis pas une émission d'opinion comme d'autres où je chiale sans rien savoir. J'admets que je sais rien. Donc, allez les encourager si ça vous intéresse, leur campagne CIBL sur Indiegogo. Ensuite, est-ce que c'est bien sur Indiegogo? Encore une fois, je commence à dire n'importe quoi. Hein. CIBL, sociofinancement, on va aller voir ça. Je vous en reparle tantôt au pire. Allons-y avec les codes d'écoute pour l'instant. Tiens, pour la semaine du 2 au 8 novembre 2015, commençons par le Québec, position 15 à 6 en rafale, Vol 920, Les Dieux de la danse, LOL, Les Pêcheurs, Mémoire vive, Les Enfants de la télé, Au secours de Béatrice, Vlog, Galade de la disque, en 5e, Boomerang, en 4e, Yamaska, 3e pour Sarah, 2e, Le Banquier, première place avec 1 976 000, c'est unité 9. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, The Amazing Race, Arrow, Blind Spot, Supergirl, Hawaii Five-O, Blue Bloods, Grey's Anatomy, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., The Flash, Criminal Minds, en 5e Quantico, en 4e NCIS New Orleans, en 3e Survivor Cambodia, en 2e NCIS et en première place The Big Bang Theory avec 4 122 000 téléspectateurs. Leur campagne de financement à CIBL est sur le site haricot.ca, donc haricot, haricot.ca, et puis ensuite on cherche CIBL. Un projet charitable à Montréal par CIBL. On est rendu à 1457 $ sur 35 000 avec 20 alliés, 89 jours restants. La co-porte-parole et l'auteur-compositrice-interprète comédienne La Bronze, qu'on adore fort ici. Et comme je regarde ça, et tant qu'à en parler, ils ont un petit 30 secondes de pub qui, j'imagine, va nous dire pourquoi on devrait leur donner de l'argent. Parce qu'un peu comme la LNI hier dans le bloc pub à Assemblage Requis, on se demandait pourquoi est-ce qu'ils en avaient besoin et c'est jamais dit. Donc écoutons. J'aide CIBL parce que CIBL, c'est une radio communautaire citoyenne importante qui est près des gens et qui offre une tribune à la musique francophone et surtout aux artistes émergents. C'est pour ça qu'on vous invite à donner généreusement à CIBL pour leur permettre de continuer leur bon travail important. Yo, donne! Donne! Ouais! Je comprends, mais en même temps, on m'a absolument pas dit pourquoi. Tu sais, c'est ça l'affaire avec le sociofinancement, c'est une façon de plus de ramasser de l'argent. Bon, tu sais, tu vends de la pub, tu reçois des subventions, etc. Et là, tu demandes en plus aux gens de donner de l'argent en plus. J'aimerais qu'on me dise physiquement à quoi va servir l'argent. J'aimerais qu'on me dise pourquoi vous avez moins d'argent qu'avant, avant que je donne. Moi, personnellement, et je sais que c'est l'opinion de bien des gens, mais encore une fois, je suis pas un expert du dossier, mais je trouve pas que dans la façon que la page de haricot.ca est faite, qu'on me dit pourquoi. On me dit par contre que si je donne 35 $ ou plus, je vais avoir un selfie avec l'animateur de mon choix, m'en sac, hein, et mon nom sur le mur virtuel du donateur, who cares. J'ai besoin de plus d'explications. Je suis peut-être un petit peu cynique comme ça, mais bon, peut-être qu'ils les ont, faudrait faire plus de recherches. Je peux aussi arrêter d'en parler si vous voulez. Voilà, c'est tout pour Television Television. Les liens sur assemblagerequis.com. Tantôt, on va se faire Merci Science. Avant ça, par contre, une petite chanson de chiptune comme on aime, comme on les aime. Et on s'en va entendre un extrait de l'artiste Wise Blood, Just Been Warp Zoned. Voici Vinny Vidi Vici. MPS, le Mathieu Plante Show. On vous demande pas d'argent, on vous demande juste de rester à l'écoute. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. some Donkey Kong and about to gotta jump them barrels. So grow a mobro, get a mullet and change your name to Daryl. That is just a loose riff on some shit my daddy said. He and me don't talk much, so best put it out your head. Everybody chasing bread, cause we save a package every month so I can pay off the feds. Yo, are they real dreads? Me thinks a stooge undercover, another man in the world, cause his mom's popped the rubber. Shit was made of flubber, just like Jim Carrey's face. Kinda sort explains a brother striving hard in the race, trying hard to erase Ryan Lord as a base to proceed to fricassee the canard with some mace. J'aime tellement cette chanson de Chippies the Doggy. What the Fuck featuring Coolio de Gracias. Précédé de Vinny Vici par Just Been Warp Zoned. On m'a dit plein de show. Maintenant, c'est le moment de remercier la science d'exister. Voici Merci Science. C'est Merci Science, oui, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Je l'ai dit deux fois pour qu'on comprenne bien qu'on parle de science. En fait, on parle de science et d'études qui sont pas nécessairement tout à fait scientifiques, mais on remercie quand même les scientifiques d'y avoir porté attention. Une étude montre que les hommes mangent beaucoup plus en présence des femmes. 93% de pizza en plus, mais aussi 86% de salade en plus. Ce serait un moyen de montrer à ces dames qu'ils sont en bonne santé. Le lien entre troubles alimentaires et sélection sexuelle a souvent été évoqué pour expliquer l'anorexie chez les femmes. Dans nos sociétés contemporaines où la minceur est valorisée, il y aurait une pression sur les femmes pour garder la ligne et se donner plus de chances de séduire. Ceci expliquerait certaines observations indiquant que les femmes mangent moins en présence des hommes. Cette pression qui pèse sur les femmes pourrait devenir pathologique chez certaines, s'étendre à tous les repas au point qu'elles ne se nourrissent pas assez et deviennent anorexiques. Mais qu'en est-il des hommes? Mangent-ils eux aussi plus légers en présence des femmes? Pour savoir si leurs habitudes alimentaires sont différentes selon qu'ils mangent avec des hommes ou des femmes, des chercheurs de l'université Cornell ont mené une étude dans un restaurant italien des États-Unis. 105 adultes âgés de 18 à 81 ans ont participé. Ces clients du restaurant pouvaient manger pizza et salade à volonté sans payer de supplément. Il est alors apparu que les individus de sexe masculin mangeaient plus en présence des femmes qu'en présence des hommes et même beaucoup plus. 93% de pizza en plus et 86% de salade en plus. Les femmes mangeaient la même quantité en compagnie des hommes ou des femmes, mais lorsqu'elles mangeaient avec des hommes, elles avaient plus l'impression d'avoir trop mangé. Et ces résultats paraissent dans Evolutionary Psychological Science. Du point de vue de l'évolution, les chercheurs suggèrent que le fait de trop manger serait un moyen pour les hommes d'impressionner les femmes. Le principal auteur de l'étude, Kevin Niffin, rapproche ces résultats d'autres obtenus par ailleurs, qui ont déjà suggéré que certains mangent des plats trop épicés pour crâner. Dans cette nouvelle recherche, l'excès alimentaire jouerait le même rôle. Ce serait une sorte de signal disant « Je suis en bonne santé, donc je peux faire un excès alimentaire et bien m'en sortir ». L'idée serait donc d'attirer quelqu'un en lui montrant qu'on est suffisamment en bonne santé pour faire quelque chose qui ne serait pas spécialement bon pour la santé. Ce nouvel article met donc en lumière un risque de troubles alimentaires chez les hommes, même si ici les hommes mangeaient aussi plus de salade en compagnie de femmes. Les femmes, quant à elles, ne mangeaient pas spécifiquement moins en présence des hommes dans cette étude, mais d'après les auteurs, ça pourrait être dû à la configuration de l'expérience car il ne s'agissait pas spécialement d'un contexte romantique, mais juste un contexte générique. On reste en alimentation avec le café. Une consommation modérée réduirait la mortalité. Les personnes qui boivent 3 à 5 tasses de café par jour, en l'occurrence moi-même, auraient moins de risques de décéder de certaines maladies. J'aime, tu vois, tu sais, le titre porte à confusion parce que ça dit « café 2 points, une consommation modérée réduirait la mortalité ». Ben, Colin, je mourrai pas, jamais. Et là, il faut lire l'article pour voir que tu risques d'avoir moins de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques. Et ce n'est pas une question de caféine. Le café, qu'il contienne de la caféine ou non, donc qu'il soit décaféiné ou pas, semble être bénéfique, estiment des membres de la Harvard Chan School of Public Health, auteur d'une étude publiée dans le journal Circulation. Les scientifiques ont comparé des personnes ne buvant pas ou peu de café, moins de 2 tasses par jour, à ceux qui en boivent une quantité modérée jusqu'à 5 tasses quotidiennes. L'étude n'a pas découvert un lien de causalité clair entre le café et un risque amoindri de souffrir de certaines maladies, mais a toutefois soulevé un lien apparent, conforme à de précédents travaux. Les scientifiques aimeraient approfondir le sujet. Je cite « Des composés bioactifs dans le café réduisent la résistance à l'insuline et les inflammations », a précisé Ming Ding, principal auteur et étudiant en doctorat au département de nutrition. Ça pourrait expliquer certaines de nos découvertes, mais plus d'études sont nécessaires pour enquêter sur les mécanismes biologiques qui produisent de tels effets. En revanche, contrairement à de précédentes études, celle-ci n'a pas permis de découvrir l'effet du café contre le cancer. Ces travaux sont fondés sur le rassemblement de données de 3 grands sondages effectués par 300 000 infirmières et professionnels de la santé qui ont répondu à des questionnaires sur leur propre état de santé et leurs habitudes de vie à intervalles réguliers sur une période de 30 ans. Je cite, « Dans toute la population étudiée, une consommation modérée de café était associée à un risque réduit de décès dû à des maladies cardiovasculaires, à du diabète, à des maladies neurologiques comme le Parkinson et au suicide. » Cependant, le fait que ces travaux soient basés sur des sondages réalisés avec des personnes qui rapportent elles-mêmes des éléments sur leurs habitudes de vie peut soulever des questions quant à la fiabilité des réponses. Et les experts préviennent que le café peut ne pas être conseillé pour tout le monde. Je cite, « Une consommation régulière de café peut être incluse dans un régime alimentaire équilibré et sain », selon Frank Hu, co-auteur et professeur de nutrition et d'épidémiologie à Harvard. Toutefois, certaines populations comme les femmes enceintes et les enfants doivent faire attention à leur consommation de caféine. On passe du café au gaz. Des chercheurs irlandais viennent de présenter un liquide poreux. En piégeant le gaz dans des sortes de trous, il peut en absorber une quantité considérable. Cette étonnante découverte ouvre de nouvelles perspectives pour bien des applications, parmi lesquelles la capture du carbone. Ça va être un sujet lourd, j'ai l'impression. Commençons avec une citation. « Les matériaux dont la structure est poreuse sont technologiquement importants », explique le professeur Stuart James de l'École de chimie et du génie chimique de la Queen's University en Irlande du Nord. Jusqu'à récemment, les matériaux poreux étaient tous solides. Nous avons construit un nouveau genre de matériaux poreux, un matériau liquide et poreux. Les solides poreux sont très utiles dans le processus de séparation des molécules ou de catalyse. Les zéolithes, par exemple, peuvent ainsi servir de tamis moléculaires. Une zéolite est un cristal formé d'un squelette microporeux. Les espaces vides qui truffent sa structure permettent de ne laisser passer que des molécules de certaines tailles et de certaines formes, de quoi, entre autres, nettoyer l'eau des particules radioactives après un accident nucléaire. Mais les solides poreux ont leurs limites. Ainsi, pour la capture de dioxyde de carbone post-combustion, les solutions basées sur des solvants liquides, par exemple, sont beaucoup plus aisées à mettre en œuvre ou dans des processus industriels. D'où l'idée de chercher la solution ultime dans un matériau combinant des propriétés de porosité et de fluidité. Pour mettre au point ce liquide poreux, les chimistes de la Queen's University ont adopté une approche dite ascendante ou bottom-up. On part en bas, on s'en va en haut. Started from the bottom now here! Ils ont élaboré le liquide en partant de cages moléculaires qui permettent de créer au cœur du liquide autant d'espaces vides. Rappelons que les cages moléculaires sont, comme leur nom l'indique, des molécules en forme de cage, comme les fullerènes, par exemple, qui permettent habituellement d'encapsuler un atome, un ion ou une molécule. Ici, elles empêchent simplement le solvant, dont les molécules sont trop volumineuses, d'occuper la totalité de l'espace. Cette nouvelle approche permet de concevoir un liquide dans lequel la concentration en cage moléculaire est jusqu'à 500 fois plus élevée que dans d'autres solutions moléculaires contenant des cavités. Ils ont ainsi pu améliorer de manière non négligeable les propriétés globales du liquide. D'autres expérimentations devront encore être menées pour mieux comprendre le fonctionnement de ce tout nouveau genre de liquide, mais les chimistes de la Queen's University assurent qu'ils aideront bientôt à améliorer différents processus chimiques industriellement importants, et notamment la capture du dioxyde de carbone à la sortie des centrales de production d'électricité d'origine fossile, afin de l'empêcher d'aller s'accumuler dans notre atmosphère. Des chercheurs américains ont réussi pour la première fois à refroidir un liquide avec un laser. Cette découverte pourrait notamment permettre de refroidir localement des cellules et ainsi réaliser de véritables films pour suivre pas à pas ce qui se passe lorsqu'elles se divisent ou se réparent. Je savais que j'allais faire cette erreur-là. Se réparent. Cette année 2015 est marquée par le centenaire de la découverte de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Dans 2 ans, ce sera l'occasion de fêter la découverte des principes de l'effet laser, toujours par le génial physicien Einstein. Remarquablement, une équipe de chercheurs de l'Université de Washington vient d'utiliser un laser pour refroidir de plus de 21 degrés Celsius un liquide, tout en mesurant cette baisse de température à l'aide du mouvement brownien, lui aussi théorisé par Einstein, comme elle l'explique dans un article sur Arxiv. Refroidir un corps à l'aide d'un faisceau de lumière, qui plus est produit par effet laser, nous semble contre-intuitif tellement nous associons lumière et chaleur. Et pourtant, dès 1929, après la constitution officielle de la théorie quantique, en 1927, lors du fameux congrès Solvay, le physicien Peter Pringsheim avait prédit une telle possibilité. Elle a été réalisée une première fois avec un solide en 1995 par une équipe du célèbre laboratoire de Los Alamos aux États-Unis. Mais comment peut-on expliquer un tel phénomène? Il faut savoir que lorsqu'un corps est soumis à un rayonnement centré sur une raie spectrale bien particulière, il arrive que les photons émis soient plus énergétiques que les photons incidents et donc aient une fréquence plus élevée. C'est le phénomène inverse en quelque sorte de celui qui est appelé le déplacement de Stokes et qui se produit lorsque la raie de nouveau émise par un système atomique ne correspond pas à celle absorbée par une fréquence plus basse. Absorbée avec une fréquence plus basse, il y a une nuance. L'autre processus est appelé fort logiquement déplacement anti-Stokes. Ça, c'est pas les manifestants devant le magasin d'accessoires de cuisine aux rivières. Il peut emporter l'énergie thermique initialement sous forme de phonons dans un solide cristallisé, donc refroidir ce dernier. On rappelle que les phonons sont l'équivalent des photons, mais pour les ondes élastiques dans un solide. De la chaleur s'y retrouve sous cette forme puisque l'agitation thermique fait osciller les atomes autour de leur position d'équilibre dans un cristal. Dans un réseau cristallin très pur comprenant des atomes d'ytterbium sous forme d'ions, ces derniers peuvent donner lieu à un phénomène de fluorescence anti-Stokes particulièrement important. Les chercheurs s'en sont rapidement servis pour atteindre des températures assez basses, par exemple 208 Kelvin, c'est ça les cas? Donc c'est moins 65 degrés Celsius. Je suis pas certain de ce que je dis pour les cas. Les physiciens de l'Université de Washington ont tant voulu refroidir des liquides par effet laser, c'est avant tout à cause des nombreuses applications qui en découleraient. Dans le cas des solides, l'une des plus évidentes serait de refroidir des semi-conducteurs, plus exactement des puces d'ordinateur, afin de booster leur performance. On sait que l'élévation de température des composants électroniques à cause de l'augmentation de la fréquence des calculs limite cette même augmentation. Dans le cas des liquides, pouvoir refroidir des cellules, au moins localement, devrait permettre de mieux comprendre les processus biochimiques à l'œuvre. Par exemple, ceux qui permettent la division cellulaire. Qui sait quel bénéfice pourront-nous tirer pour lutter contre les maladies comme le cancer? Voilà. Mais on n'en est pas encore rendu là. Tout ce que les chercheurs ont réussi à faire, c'est synthétiser à plus bas prix un nanocristal à base d'ytterbium pouvant être refroidi dans un liquide en utilisant un laser dans le domaine de l'infrarouge. Un tel laser émet un rayonnement qui est moins destructeur pour des cellules vivantes. Ils se sont servis de ce nanocristal pour refroidir également des solutions salines et d'autres utilisées comme milieu de culture en biologie cellulaire et pour la génétique. Maintenant, la vision nocturne bientôt dans les pare-brises des voitures. En exploitant les propriétés de conduction thermique du graphène, des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ont créé un capteur thermique qui, contrairement aux appareils existants, ne nécessite pas de système de refroidissement. Une avancée qui ouvre la voie à l'intégration de détecteurs à infrarouge flexibles et transparents, aussi bien dans des smartphones ou des tablettes que des pare-brises d'automobiles. Les propriétés conductrices du graphène, tant pour l'électricité que la chaleur, en font un matériau de prédilection pour la détection infrarouge. Les chercheurs du MIT ont créé un capteur thermique en combinant des thermopiles au graphène et un MEMS. Ça, c'est un Microelectrical Mechanical System, un dispositif électromécanique miniature, à base de silicium. Ce capteur traite le signal thermique et le convertit en un signal électrique. Cette configuration permet d'envisager l'utilisation de ce type de capteur pour les imageurs thermiques, l'imagerie de corps noirs ainsi que la détection de la signature thermique humaine. Le recours au graphène joue également un rôle clé pour la dissipation de la chaleur. En effet, il permet de filtrer les bruits thermiques parasites sans passer par un système de refroidissement, comme c'est le cas dans des équipements actuels qui sont pour la plupart encombrants et coûteux. Pour dissiper la chaleur, Des bandes de graphène servant à suspendre le capteur dans le vide afin de l'isoler du reste de l'équipement et ainsi éviter d'avoir à refroidir l'ensemble. Lors de ces essais, l'équipe du MIT a pu détecter la signature thermique d'une main humaine à température ambiante sans utiliser un réfrigérant. La capacité du graphène à améliorer la dissipation de chaleur dans les composants électroniques a été démontrée il y a plusieurs années par une équipe réunissant des spécialistes du CEA en France, CEA j'imagine, et de l'Université du Texas à Austin aux États-Unis. Dans leur article scientifique publié par la revue Nanoletters, les chercheurs du MIT expliquent que la très grande mobilité des charges électriques, oui, dans la graphène lui confère des performances intrinsèques qui surpassent les meilleurs imageurs à thermopile. Beaucoup de grands mots. Selon eux, cette innovation permet d'envisager la création d'imageurs thermiques à bas coût, transparents et flexibles, et à terme, ce type de capteur pourrait être intégré dans des terminaux mobiles de type téléphone intelligent ou tablette tactile. On envisage également que ce type de capteur puisse être intégré dans les pare-brises des automobiles pour offrir une vision nocturne en temps réel sans entraver la visibilité. Dans sa conclusion, l'article scientifique évoque également, mais sans entrer dans les détails, des applications possibles pour l'inspection des matériaux ou dans le domaine de la biologie. Un parfum pour lutter contre les moustiques. Des chercheurs viennent d'identifier un parfum de marque qui permettrait de se protéger des moustiques pendant 2 heures. L'étude réalisée portait également sur plusieurs anti-moustiques du commerce et parmi eux, les produits à base de citronnelle se sont révélés inefficaces. Les scientifiques représentent une menace. Les scientifiques représentent une menace. Pardon, allô, qu'est-ce que j'entends pas là? Les moustiques représentent une menace. Les scientifiques sont bons, ils sont fins. Donc, les moustiques représentent une menace pour la santé humaine car ils transmettent des parasites, des nématodes et des virus, ce qui n'est pas le cas du tout des scientifiques. C'est pourquoi différentes méthodes visent à contrôler les populations des moustiques et à empêcher leur contact avec les hommes, mais la résistance des moustiques aux insecticides pose problème. Ces insectes sont par ailleurs attirés par des molécules produites par le corps humain ou par des bactéries qui dégradent des composants de la sueur. Par exemple, l'acide lactique et le octoen-3-ol. Je connais pas ça. Ce sont deux molécules qui attirent les moustiques. Des chercheurs de l'Université de l'État du Nouveau-Mexique ont testé des sprays anti-moustiques du commerce, des produits parfumés et un patch de vitamine B1 pour savoir s'ils attiraient ou repoussaient les moustiques. Pour cette expérience, ils ont utilisé 2 espèces de moustiques. Le moustique qui transmet la fièvre jaune Aedes aegypti et le moustique tigre Aedes albopictus, vecteur de la dengue et du chikungunya. Les chercheurs ont utilisé un dispositif en forme de Y avec 2 tubes reliés chacun à une main et un tube contenant les moustiques. L'un des auteurs qui attirait beaucoup les moustiques a placé ses mains aux extrémités des 2 tubes avec l'une des 2 mains qui portait le spray attesté. Les moustiques qui se trouvaient dans le dispositif étaient libérés des 2 côtés. Si les moustiques étaient attirés par le spray, ils se rendaient vers la main qui en avait, mais s'ils étaient repoussés par le spray, ils allaient vers l'autre main ou bien ne se déplaçaient pas. Les scientifiques ont mesuré la durée pendant laquelle les répulsifs fonctionnaient. Et les résultats apparaissent dans Journal of Insect Science. Les chercheurs ont trouvé que les produits contenant du DEET, donc du 3-méthyl-N,N-diéthylbenzamide, étaient les plus efficaces pour repousser les moustiques. Ces produits étaient ceux qui duraient le plus longtemps. Ils étaient efficaces contre les 2 espèces de moustiques. Ceux qui avaient du P-mentane 3,8-diol obtenaient des résultats comparables, mais sur des tests plus courts. Les répulsifs qui n'avaient pas de DEET, mais de la citronnelle et du géraniol n'étaient pas aussi efficaces, voire n'avaient pas d'effet significatif du tout. Le patch de vitamine B n'avait d'effet sur aucune des 2 espèces et le mode d'action supposé de ces patchs consiste à modifier les odeurs produites par l'organisme pour qu'ils soient moins attirants pour les moustiques. Ces résultats suggèrent donc que des produits contenant du DEET ou du P-mentane 3,8-diol ont des effets répulsifs qui durent et permettent une bonne protection contre les maladies transmises par les moustiques. Mais le résultat étonnant de cette étude concerne les parfums testés. En effet, les chercheurs voulaient savoir ce qui se passait avec des parfums fleuris, car des travaux précédents avaient suggéré que la senteur fleurie et fruitée attirait les moustiques et donc qu'il ne fallait pas en porter. Or, le parfum Bombshell Eau de Parfum de la marque de lingerie Victoria's Secret avait l'effet opposé et repoussait les moustiques pendant 2 heures après son application. Les auteurs notent cependant qu'ils l'ont testé avec une concentration élevée. Le parfum n'était pas aussi efficace que les produits contenant du DEET, mais ces travaux remettent en question l'idée que les odeurs fleuries attirent les moustiques. En fait, certains parfums fleuris pourraient masquer l'odeur naturelle du corps, ce qui expliquerait qu'elles puissent protéger des moustiques. Merci science, hein? Et finalement, un casque sur la tête et la personne peut piloter son fauteuil roulant électrique grâce à ses ondes cérébrales en se concentrant un peu. C'est Neuromove, le fauteuil roulant commandé par la pensée. Oui, oui, les jeunes ingénieurs de l'école Esme Soudria poursuivent leur étonnant projet Neuromove au sein du nouvel incubateur pardon, Sudwick Cube. Sudwick Cube avec comme chantier la réalisation de leurs propres casques car ceux du commerce sont inadaptés ou cryptés. L'an dernier, Futura Science nous présentait un projet d'étudiant de l'école d'ingénieurs Esmé Soudria, un fauteuil roulant commandé par la pensée. L'équipe qui a grossi entre-temps, passant de 3 à 5 personnes, a l'objectif de créer une entreprise pour commercialiser cet engin sans équivalent. Elle produit son travail au sein de l'école dans un incubateur de start-up où elle trouvera notamment de gros moyens de calcul indispensables à la suite du projet. Côté technique, le premier prototype fonctionne correctement, comme on peut le voir dans une vidéo sur assemblagerequipe.com, mais la commande reste à améliorer. Jusque-là, elle consistait en un casque Mindwave vendu dans le commerce par Neurosky ou Neuroski. Un bon marché, il a l'avantage d'être léger, mais il ne comporte qu'une seule électrode qui capte à la fois les signaux cérébraux et la contraction musculaire. L'équipe voulait acquérir un modèle plus perfectionné, mais les données que génère cet appareil du commerce sont cryptées, donc inutilisables. Neuromove rejoint 3 autres projets, puisque la limite est de 4 dans la start-up. L'équipe de Neuromove doit mettre au point, en plus du casque, une commande directe des moteurs du fauteuil électrique, alors que le premier prototype utilisait celle déjà en place, ce qui permettrait d'adapter ce système de pilotage par la pensée à n'importe quel fauteuil. Donc rendez-vous dans un autre article plus tard dans la vie, dans un futur plus ou moins rapproché, pour savoir si ça avance sur des roues. Ce projet Neuromove, N-E-U-R-O-M-O-O-V. Voilà. C'est tout pour Merci Science. On continue avec du chiptune encore une fois. Voici l'artiste Brink, qu'on écoute avec Bestis, entre parenthèses, Général Midi, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou. Thank you. Ah, ça fait rêver ça! Nitty Naughty Windmill Hill! La trame sonore de Yoshi's Woolly World, le nouveau jeu de Yoshi sorti sur la Nintendo Wii U récemment. C'est un changement de plan. En fait, j'avais pas prévu jouer cette chanson-là, absolument pas du tout. J'avais prévu autre chose, mais je trouvais que la chanson qu'on a jouée avant la pause ressemblait un petit peu à la trame sonore de Yoshi's Woolly World, donc ça m'a donné envie d'en entendre, et peut-être que j'en ferai jouer d'autres une autre fois, parce que je suis dans ce jeu-là en ce moment, je trouve ça tellement beau, tellement le fun. Avant la pause, c'était Bestis par l'artiste Brink à Assemblage Rocky. Pas Assemblage Rocky, on va tuer plein de choses. Et je m'excuse si il y a quelque chose qui a sauté pendant la pièce, c'est la faute à votre stream, c'est votre connexion Internet, c'est la faute de Belle, Cogeco, un vidéo qui a fait ça. C'est pas moi parce que j'ouvre plein d'onglets pour la prochaine chronique. Pas du tout. Justement, en parlant de prochaine chronique, et voici le segment Geek Cynix. Le segment Geek Cynix, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, hein? On parle d'informatique, on parle de jeux vidéo. Mais pas de science puis de médecine, parce que ça, c'est dans Merci Science. Allons-y avec UI, ou Huawei, c'est la prononciation qu'on est supposé utiliser, mais il y a personne qui dit comme ça, parce que ça s'écrit H-U-A-W-E-I, et c'est absolument pas Huawei, mais c'est comme ça qu'on doit le dire, Huawei, genre. Donc, à défaut de pouvoir augmenter la capacité d'une batterie de smartphone, il est possible de réduire son temps de charge. C'est ce qu'a fait le constructeur chinois Huawei avec deux prototypes de batterie lithium-ion qui récupèrent 50% de leur capacité en quelques minutes. Comme d'autres travaux ayant la même finalité, l'expérience est encore, pour le moment, au stade du laboratoire. Les constructeurs ont de plus en plus de mal à se différencier sur le design des téléphones. Ils misent désormais sur les fonctionnalités comme les lecteurs d'empreintes digitales, des appareils photo dotés d'un système de mise au point automatique à visée laser, des matériaux luxueux étanchéités à l'eau. C'est donc dans ce contexte que la marque chinoise Huawei vient de dévoiler une avancée technologique qui pourrait bien lui donner un avantage majeur sur ses concurrents. Wattlab, une filiale liée à son laboratoire de recherche et de développement, a mis au point un nouveau type de batterie lithium-ion associée à un chargeur ultra rapide qui peut récupérer 50% de sa capacité en quelques minutes. Cette innovation a été dévoilée lors du 56e Battery Symposium. Hey, ça doit-tu être plate, une conférence nommée le Symposium de la batterie? Qui s'est tenu la semaine dernière à Nagoya, au Japon. Ceux qui aiment ça, je vous respecte, mais jamais j'irai là. Huawei a présenté deux vidéos montrant cette technologie qui est encore à l'état de prototype. La première montre une batterie lithium-ion de 600 mAh rechargée à 68% de sa capacité en seulement 2 minutes. Une seconde vidéo met en scène une batterie de 3000 mAh qui peut être rechargée à 48% en seulement 5 minutes. Selon Huawei, ce niveau de charge alloue l'équivalent de 10 heures de conversation sur un téléphone mobile de la marque Huawei. Pour l'heure, peu de détails techniques sont fournis par le constructeur. Dans son communiqué, ce dernier indique avoir lié des hétéroatomes. C'est la semaine de la sensibilisation aux hétéroatomes, on dirait, aux molécules de graphite dans l'anode de la batterie. Dans du graphite, on peut appeler hétéroatome tout atome qui n'est pas du carbone et qui est considéré comme une impureté. On peut penser qu'il s'agit ici d'un atome facilitant la migration des ions lithium. L'avantage de ce procédé, selon l'entreprise, est qu'il augmente la vitesse de la recharge sans altérer la densité énergétique ni la durée de vie de la batterie. Huawei n'est pas le seul à travailler sur le temps de charge des batteries qui représente l'alternative la plus viable à défaut de pouvoir augmenter leur autonomie. Récemment, le constructeur automobile Porsche a dévoilé un concept de voiture de sport totalement électrique dont les batteries seraient restaurées à 80% en 15 minutes. Très prometteur, évidemment c'est en laboratoire donc ça ne veut pas dire grand-chose. Seiko s'apprête à ressortir la montre d'Ellen Ripley dans Aliens. Oui, Seiko s'apprête à rééditer en édition limitée un modèle de montre datant des années 80, et pas n'importe laquelle, c'est celle portée par Ellen Ripley dans le film Aliens. Ça fait partie des petits détails qui comptent ou pas selon les gens dans Aliens, donc le film de 86 réalisé par Ridley Scott. Sigourney Weaver porte une montre Seiko Giugiaro 7A28, trait d'union 7000. Le réalisateur avait en effet misé sur la marque japonaise pour doter ses personnages de montres au look futuriste pour l'époque. Paradoxe, aujourd'hui ce modèle fleure bon le vintage pour ne pas dire le rétro-futuriste. Seiko s'apprête donc à ressortir une édition limitée de la Giugiaro, etc., initialement commercialisée en 83. Deux éditions en réalité, donc les Seiko X Giugiaro Design Spirit Smart SCED 035 et Seiko X Giugiaro Design Spirit Smart SCED 037. Des noms là, tu sais, catchy de même. Qui seront disponibles en gris ou en noir. Il s'agit bien de montres classiques, l'horloger japonais n'ayant pas jugé bon de surfer sur la mode des montres connectées pour cette réédition. La version la plus proche de celle du film est la SCED 035, appelons-la comme ça. Bien qu'elle voit disparaître la couronne et un bouton normalement présent sur son bord gauche, un moyen de lisser l'ensemble et de marquer la différence avec le modèle original. Donc, t'es en train de me dire que t'essaies de copier le modèle du film, mais que tu ne le fais pas pareil comme dans le film. T'sais. Bref, on peut retrouver le modèle d'origine sur des sites comme eBay. Pour ceux que ça peut intéresser. Ces deux rééditions sont proposées en édition limitée, chacune à 3000 exemplaires au prix de 32 000 yens pour la version grise et à 36 000 yens pour la version noire. Elles sont dans l'immédiat uniquement disponibles en précommande sur le site japonais de Seiko au seiko-watch.co.jp. Des lunettes électroniques pour traiter les troubles de vision chez les enfants. Des chercheurs de la société Expand ont découvert que des lunettes électroniques programmables permettaient d'améliorer aussi efficacement les problèmes d'amblyopie chez l'enfant que les traditionnels pansements oculaires. Spécialisée dans les lunettes 3D, la société Expand a travaillé sur le développement d'un modèle de monture destiné à aider à soigner l'amblyopie. Des chercheurs américains se sont penchés sur la question. Les résultats de leur étude menée sur un petit nombre d'enfants ont été présentés au cours de la fin de semaine à l'occasion du congrès annuel de l'Académie américaine d'ophtalmologie. L'amblyopie découle du développement anormal d'un œil au cours des premières années du sujet. Elle peut à terme entraîner la perte de vision chez l'enfant, c'est pourquoi il est nécessaire d'agir rapidement et de traiter la maladie avant les 8 ans du petit patient. Pour ce faire, des chercheurs ont utilisé les lunettes électroniques Ambliz qui offrent la même occlusion de l'œil qu'un pansement en bloquant la vision de l'œil le plus fort pour forcer le cerveau à faire travailler l'œil le plus faible sans avoir à recourir à du collyre. Pour bloquer la vue sans inconfort de gouttes, sans l'inconfort des gouttes et d'un pansement disgracieux, ces nouvelles lunettes ont été développées en remplaçant les verres par des écrans LCD transparents pour pouvoir être facilement programmables en mode opaque pour cacher l'œil gauche ou droit et pendant la durée déterminée. Comme de nombreux enfants ont également besoin de verres correcteurs, ils peuvent aussi être adaptés en fonction de la correction nécessaire à la vue des petits. Les lunettes se portent toute la journée et sont programmées pour faire travailler l'œil paresseux à intervalles réguliers. Pour comparer l'efficacité de ces lunettes numériques et les pansements occultants, le Glick Eye Institute de l'Université de l'Indiana aux États-Unis a fait appel à 33 enfants âgés de 3 à 8 ans, tous porteurs de lunettes, qui ont été divisés en deux groupes. Un groupe portait le pansement traditionnel 2 heures par jour et l'autre groupe portait des lunettes électroniques pendant 4 heures par jour. Au terme de l'expérience, les deux groupes enregistraient les mêmes améliorations de leur amblyopie. Ces lunettes présentent un avantage certain sur les pansements que les enfants ont du mal à accepter. Les chercheurs expliquent que 25% des enfants sont angoissés à l'idée de mettre du collyre et que 15% le refusent catégoriquement. On notera que les lunettes Ambliz ont aussi reçu l'agrément d'appareil médical de la Food and Drug Administration américaine. Elles sont déjà disponibles aux États-Unis chez les ophtalmologistes au prix de 450 $ américains. Dans l'immédiat, on ne sait pas quand ce dispositif médical pourra être utilisé ailleurs. Connecter les bornes de collecte de verre aux usagers et avec une puce Bluetooth et attribuer des récompenses aux gestes citoyens, c'est l'idée de Terra Donna et de son application Clink pour la collecte des ordures du futur. Clink, c'est à peu près le bruit que fait une bouteille de verre qu'on jette dans un conteneur. En effet, quand elle ne se fracasse pas, bien sûr, c'est un peu aussi le son émis par une machine à sous. Clink, t'sais. Alors, c'est le nom qu'on a choisi pour un service de récompense de tri sélectif par Mathieu Oliveri. Donc, en échange du recyclage de verre, des points convertibles en bons de réduction. Et pour ça, la société Terra Donna veut collecter des bornes de collecte. Le principe est le suivant. L'usager installe l'application gratuite Clink sur son smartphone, Android et iOS, utilise un badge RFID sous forme de carte à puce. Il se présente devant le conteneur, il jette ses bouteilles et c'est tout. Son compte est alors crédité de points égaux aux points du verre jeté. Une fois assez de points en poche, il peut les dépenser dans les magasins partenaires alentours. Par exemple, le magasin Comment ça marche. Un peu l'équivalent de mettre des canettes dans une machine de collecte de canettes et de recevoir un petit billet pour aller à l'épicerie changer ton billet en coupon. Donc, équiper le parc existant est le défi à faire, à accomplir. C'est le défi technologique de Terra Donna. Donc, la société équipe les bornes de collecte de détecteurs de déchets. Si l'on s'essaye à déposer du papier dans le conteneur réservé pour le verre, il nous démasque tout de suite. Le cofondateur fait valoir que la technologie fait actuellement l'objet d'une demande de dépôt de brevet. En 2 ans, il aurait coûté 1 million d'euros d'investissement grâce au soutien, entre autres, de BPI France. Présente au salon Cartes Secure Collection ou Cartes Secure Collection, j'ai aucune idée, à Paris, c'est à Paris, Nord, Villepinte, c'est pas mal Cartes Secure Collection. Du 17 au 19 novembre dernier, Terra Donna veut prouver qu'elle peut répondre à l'enjeu écologique du tri sélectif et y apporter une dimension économique en optimisant la collecte grâce à l'Internet des objets et sans modifier l'existant. Je cite, la France compte 300 000 bornes, dont 50% pour le verre, et la collecte de déchets est financée par les communautés de communes ne pourrait pas supporter le coût de nouveaux conteneurs. À 2 semaines du départ de la conférence de Paris sur le climat, le COP21, la start-up aixoise est dans les... est-ce qu'on peut dire aixoise, vu que c'est aix? Est-ce que c'est aix? Ah, je suis pas bon en géographie. Donc, c'est ça, pour faire connaître auprès d'autres collectivités que celle de Marseille, où elle est en test sur des centaines de bornes pour 50 000 habitants. C'est des collectivités dont Terradona a besoin pour se financer. Et la logique, c'est qu'une tonne de verre leur coûte 50 euros à traiter, contre 211 euros pour d'autres ordures. Le fait d'inciter au tri sélectif réduira la quantité de verre dans les ordures classiques et abaissera la facture. Ensuite, allons-y avec Polo Ralph Lauren qui installe des cabines d'essayage interactifs à New York. Polo Ralph Lauren a dévoilé de nouveaux miroirs interactifs dans les cabines d'essayage de son flagship store, donc son magasin principal new-yorkais le 18 novembre, montrant ainsi que le monde de la mode mettait les nouvelles technologies au service de ses clients. En autant qu'il n'y ait pas de champ érodit là-dedans. Ces cabines interactives conçues par la start-up Oak Labs permettront à la clientèle du magasin de demander de l'aide ou certaines pièces à essayer directement depuis le miroir qui fait office d'écran tactile comme le rapporte WWD. Chaque vêtement ou accessoire introduit dans la cabine est automatiquement détecté grâce à des puces RFID qui font apparaître les infos concernant la pièce directement sur le miroir. Ce dispositif permet aussi aux clients de régler l'éclairage de la cabine et la langue du système. À ce jour, ne sont proposés que l'anglais, l'italien, le portugais, le castillan, le mandarin et le japonais. Rien que ça! Il en manque plein! Cette initiative s'inscrit dans une stratégie numérique assumé par Polo Ralph Lauren, qui prévoit l'installation de 16 autres cabines de ce type dans d'autres grands magasins de la marque américaine. Le miroir connecté est l'une des nombreuses innovations adoptées par le milieu de la mode pour faire évoluer le concept de la cabine d'essayage. Donc, le site de vente en ligne de John Legend, Bungalow Clothing, a dévoilé son service de styliste personnel qui permet désormais aux fashion addicts de choisir sa garde-robe en ligne, de la recevoir à domicile où elles l'essaieront et d'acheter les pièces qui leur plaît le plus. Le site try.com a aussi vu le jour, permet aux utilisateurs de commander des pièces prêtes à porter, de les essayer chez soi, de les acheter ou de les renvoyer si nécessaire. Donc, il y a plein d'idées comme ça pour la mode. C'est cool! Le célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons s'offre une nouvelle déclinaison dans l'air du temps, une application en réalité virtuelle qui permet de jouer avec des amis autour d'une table en pixels. Donjons et Dragons est un jeu de rôle papier qui parle forcément à tous les amoureux du genre. Malgré la multiplication des jeux vidéo et autres expériences virtuelles, un rôliste pur jus, c'est tellement français, ne renonce jamais à l'envie de lancer des dés pour échapper à une armée de gobelins, même si c'est pour faire un échec critique. Mais parfois, la distance empêche les groupes de joueurs de se rassembler pour vivre leur passion comme il se doit. Qu'à cela tienne, le studio Altspace VR a peut-être un début de solution. Cette entreprise spécialisée dans la création d'avatars virtuels a conçu, durant un concours de création de jeux en 48 heures, une version de Donjons & Dragons en réalité virtuelle. Ce qui a commencé comme un délire de développeurs est désormais validé par Wizards of the Coast, la société qui détient les droits de Donjons & Dragons. VR Dungeons & Dragons est donc une application disponible proposée sur les casques de réalité virtuelle. Elle a principalement été testée avec l'Oculus Rift DK2 sur une longue durée puisque chaque joueur doit porter un casque pour rejoindre la partie autour d'une table virtuelle qui prend place dans un environnement approprié. Chaque joueur est représenté par un avatar, mais l'objectif n'est pas de se rendre dans un donjon et d'attaquer des ennemis virtuels. On se retrouve à lancer des dés virtuels sous l'œil d'un maître de jeu, lui aussi dématérialisé. Dans les médias, les scénarios sont prédéfinis selon une base proposée par Wizards of the Coast et Altspace VR. Leur prochain grand défi sera de permettre aux gens de développer leurs propres scénarios et prendre le contrôle du jeu. On peut aller sur le site de l'entreprise pour en apprendre un peu sur le fonctionnement du programme, c'est altvr.com. Altvr.com, le lien sur le site de l'émission sur assemblagerequis.com. Local Motors, une entreprise américaine déjà connue pour sa voiture à imprimer en 3D, la Strati veut désormais aller plus loin dans l'exercice. Elle propose de fondre certains éléments du véhicule pour les mettre à jour. Une voiture imprimée en 3D, c'est cool, mais une voiture qu'on peut mettre à jour à moindre coût, c'est encore mieux. Une idée développée par Local Motors, une entreprise américaine. Cette dernière présentait en janvier dernier la Strati, une voiture en partie imprimée en 3D et open source. Fruit d'une collaboration communautaire, le véhicule dispose d'une armature en fibre de carbone sur laquelle viennent se fixer des pièces imprimées en 3D, conçues en matière composite. L'un des avantages derrière ce véhicule, propulsé par un moteur électrique, c'est qu'il n'est pas cher à produire. La production de la carrosserie coûte moins de 5000 euros de plastique. Local Motors veut aller plus loin et profiter du fait qu'une bonne partie de la Strati est faite de plastique, oui, pour combiner recyclage et mise à jour. En fondant le plastique, l'entreprise peut réimprimer de nouvelles pièces pour optimiser et mettre la voiture au goût du jour. Le marché de l'impression 3D est encore plus celui des véhicules conçus par ce biais, n'en est qu'à ses balbutiements. Local Motors admet qu'il reste encore de nombreux points à régler pour mettre en place tel procédé, mais l'idée pourrait faire mouche. Local Motors a présenté début novembre un nouveau modèle nommé le Swim, qui va beaucoup plus loin que la Strati. Doté d'une meilleure finition, la voiture électrique reprend des éléments de la Renault Twizy, y compris la batterie, le moteur ou encore les suspensions. Son prix est loin d'être le même que celui de la Strati, puisque son prix de départ sera 49 000 €. Je m'excuse pour les non-conversions en dollars canadiens, c'est ma faute. Ce qui permet de mettre en perspective le fait que la production peu coûteuse des parties imprimées m'empêche de devoir passer à la caisse et pour le reste des pièces. Une campagne Indiegogo devrait être lancée l'année prochaine par l'entreprise. Allons-y avec... y a tellement de nouvelles que je peux passer par manque de temps aujourd'hui. Allons-y avec 6% des jeunes Français qui consultent leur smartphone plus de 200 fois par jour. 70% des Français possèdent un smartphone et la majorité en sont littéralement accros, au point que 59% d'entre eux consultent leur smartphone dans l'heure qui suit leur réveil. Je pense que tout le monde fait ça, selon le dernier observatoire des usages mobiles des Français de Deloitte. Sans surprise, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans qui passent le plus de temps sur leur smartphone. Ils sont ainsi 25% à consulter leur téléphone plus de 50 fois quotidiennement. La plupart du temps sans notification particulière, juste pour le fun. 6% avouant même faire ce geste plus de 200 fois dans la journée. 2% pour l'ensemble de la population. Les Français donc utilisent leur smartphone n'importe où, que ce soit au restaurant, 65%, au travail, 34%. Plus d'un sur cinq utilisent aussi régulièrement devant la télévision. À noter que 5% de l'ensemble des sondés consultent leur smartphone dès leur réveil et que 7% s'en servent encore au moment de se coucher. Encore une fois, tout le monde fait ça, pas juste 7%, les autres veulent juste pas l'avouer. Depuis l'arrivée de Free Mobile, ce sont des détails français pas mal, mais les habitudes en termes de forfait ont considérablement évolué. En 2015, moins d'un Français sur deux dispose d'un contrat incluant un téléphone, contre 81% deux ans plus tôt. De fait, les forfaits sans téléphone représentent désormais 39% de l'ensemble des contrats en vigueur en France, contre seulement 8% en 2013. Quant à la qualité du réseau, 30% des personnes interrogées profitent désormais de la 4G LTE, le très haut débit mobile. Voilà, donc pour ça, le reste des détails, c'est encore plus français que ça. Je pense que ce serait trop d'aller là-dedans. Le paiement mobile ne se situe pas en France. 59% des sondés déclarent ne pas être du tout intéressés par le paiement mobile. Je pense que ça doit être pas mal la même chose en Amérique du Nord. L'Observatoire donne enfin un tableau des objets connectés, adoptés ou non par les Français. Donc 18% des Français possèdent ou ont accès à une console de jeu. Encore une fois, pour vrai, c'est pas mal analogue ici. Là. Je vois pas pourquoi il y aurait une si grande différence. Une Smart TV, 14%. 8% des haut-parleurs sans fil. 6% un tracker fitness. 4% un système de surveillance. 2% une montre connectée. 1% un thermostat intelligent ou un système d'éclairage intelligent. Les données de cette étude française, oui, réalisées en ligne entre mai et juin, sont issues du Global Mobile Consumer Survey 2015, menée sur un total de 30 pays. Les données relatives à la France concernent un échantillon de 2000 répondants âgés de 18 à 75 ans représentatifs des quotas. La raison que j'ai pas le résultat québécois, c'est parce que les sites québécois de nouvelles technologies sont vraiment nuls. Nuls! Branchez-vous.com, je te pointe du doigt. Pour l'Oxford Dictionaries, maintenant, le mot de l'année en 2015, peut-être avez-vous lu cet article à quelque part ailleurs, mais c'est un smiley. L'Oxford Dictionaries présente le terme qui constitue selon lui le mot de l'année, sauf que pour 2015, c'est même pas un mot. Une fois encore, donc, Oxford Dictionaries essaie de faire parler de lui. C'est vraiment clairement la raison de ça. C'est pour ça que tout le monde en parle. À chaque année, ils doivent trouver quelque chose d'autre. Ça a été selfie en 2013. Hein? On a confirmé qu'il fallait dire GIF et non pas GIF. GIF, oui. Pour 2014. Le dictionnaire vient de nommer mot de l'année un emoji. Celui du smiley qui rit en ayant les larmes aux yeux, également connu sous le qualificatif de visage avec des larmes de joie. Le dictionnaire explique son choix en disant, je cite, « Il y avait d'autres prétendants de taille dans une multitude de domaines, mais ce smiley a été choisi car c'est pour nous le mot qui reflète le mieux l'éthos, l'humeur et les préoccupations de 2015. » Tu parles d'une bullshit. Dans les prétendants au titre de cette année, on retrouvait Dark Web, l'économie participative et Adblocker. Dark Web, la partie du net où plusieurs informations ont fuité par rapport à, entre autres, AshleyMadison.com, les gens qui trompaient leurs femmes. Économie participative, c'est des trucs comme Indiegogo et Kickstarter. Et Adblocker, c'est un bloqueur de publicité comme Adblock ou Adblock Plus qu'on utilise pour cacher les pubs. En ces temps toujours pas très heureux, un smiley riant aux larmes serait-il le top de la tendance annuelle? L'Oxford Dictionaries va un peu plus loin dans sa réflexion en expliquant finalement avoir voulu mettre en avant l'usage au global des emojis, qu'il s'agisse du terme générique ou des smileys en eux-mêmes. Je cite, « Les emojis ont été créés à la fin des années 90, mais 2015 a vu leur utilisation ainsi que celle du mot « emoji » énormément augmenter. » Ça, c'est clair que tout le monde personne s'en servait, sauf les gens initiés. Et là, depuis quelque temps, chaque phrase contient un emoji. La différence entre un émoticône et un emoji, pour ceux qui ne savent pas. Émoticône, c'est par exemple mon point-virgule avec une parenthèse fermée. Ça, c'est un émoticône, donc une icône d'émotion. qu'on fait avec des caractères, alors qu'un emoji, c'est la représentation virtuelle d'un petit bonhomme qui fait la même chose, genre un clin d'œil. Ça, c'est un emoji. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? L'Oxford University Press a travaillé avec SwiftKey durant l'année pour avoir accès aux statistiques d'utilisation du smiley choisi. Évidemment qu'ils ont choisi un smiley. Ils savaient déjà que ça allait être un smiley. Ils ont juste demandé à SwiftKey quel est l'emoji le plus utilisé par les gens qui utilisent SwiftKey. C'est pas on cherche le mot de l'année, c'était juste pour faire parler d'eux autres, c'est clair. Le petit visage jaune et hilar représente 20% des emojis utilisés au Royaume-Uni en 2015. Et 17% de ceux utilisés aux États-Unis, soit des hausses de 4 et de 9% par rapport à 2014. Et finalement, Pornhub associe la sortie de Fallout 4 à une baisse de son trafic. Associé baisse de visionnage de vidéos pornographiques et sortie de Fallout 4, il n'y avait guère que Pornhub pour le faire, encore une fois pour faire parler d'eux. Et le site ne s'en est pas privé, profitant des nombreuses données récoltées sur les habitudes de ses visiteurs. Jamais à court d'idées pour faire parler de lui, le site Pornhub s'est à nouveau lancé il y a quelques jours dans une analyse décalée des habitudes de ses utilisateurs. Et c'est la sortie récente de Fallout 4, disponible depuis le 10 novembre, qui offre au site cette opportunité. La plateforme débute donc son long billet qu'on peut lire sur son blog, c'est Safe for Work, on peut aller lire ça au travail sans aucun problème, c'est marqué SFW. Par un constat simple, la sortie de Fallout 4 a entraîné une baisse temporaire du trafic au sein de son catalogue de vidéos coquines. Je cite, « Grâce aux données entièrement anonymes fournies par Google Analytics, nous pouvons constater qu'un grand nombre de nos 60 millions de visiteurs quotidiens sont intéressés par les jeux vidéo en nous basant sur leurs recherches Google et leurs habitudes de navigation. Nos statisticiens ont posé leurs manettes suffisamment longtemps pour déterminer à quel point la sortie de Fallout a affecté notre trafic aux États-Unis. Dans le graphique posté par le site pour le 10 novembre, on constate donc une légère hausse du trafic sur Pornhub entre 3h et 4h du matin durant le téléchargement du jeu. » Dès 5h du matin, la chute est drastique. À partir de là, nous estimons que les téléchargements étaient terminés et que les joueurs ont commencé à jouer. Entre 7h et midi, le trafic moyen a chuté de 10%. Après une petite phase de montagne russe, le trafic a néanmoins explosé la nuit suivante vers 2h du matin. Après minuit, beaucoup ont fait une petite pause, résume le site. Ce n'est pas la première fois que le site de vidéos pornographiques se penche sur les pratiques des joueurs. En janvier 2015, il proposait déjà des statistiques liées à la consommation de ses vidéos sur les consoles de jeux. On y apprenait notamment que les utilisateurs de Xbox étaient les plus nombreux à consulter Pornhub depuis leur console, 45,7%, tandis que ceux disposant d'une PlayStation comptaient alors pour 40% du trafic constaté depuis les consoles. Les Wii arrivaient quant à elles loin derrière avec seulement 8,2% du trafic recensé. Voilà pour CNX. Allons-y avec le top des jeux les plus loués en club vidéo, position 10. À 6, non 10 à 1. Ah, j'ai de la misère à les faire en rafale parce que ça change de console, puis c'est compliqué. Donc allons-y avec la 10e position. Call of Duty Black Ops 3 sur Xbox 360. En 9e, Rise of Tomb Raider, sur Xbox One. En 8e, Need for Speed sur PS4. 7e, Call of Duty Black Ops 3 sur PS3. 6e, Fallout 4 sur Xbox One. En 5e, Fallout 4 sur PlayStation 4. En 4e, Call of Duty Black Ops 3 sur PS4. En 3e, Call of Duty Black Ops 3 sur Xbox One. En 2e, Star Wars Battlefront sur Xbox One. Et en 1ère, c'est Star Wars Battlefront sur PS4. Donc si on compte bien, les comme 1, 2... 3, 4, 5 jeux dans le top 10. Hein? Voilà, c'est tout pour ce top-là. On est rendu à notre prochaine chanson chiptune. Chanson, je vais plus dire musique, parce que je ne crois pas qu'elle ait de paroles. Celle-là, c'est par MC Jimmy. Voici Fresh Air. MPS, le Mathieu Planchot, 89 FM, c'est fou. Visitez sifou.ca. c'était Pick Stick par Filmne. Avant, c'était MC Jimmy avec Fresh Air au Mathieu Plante Show. Maintenant, il nous reste deux affaires à faire. Je me demande laquelle que je fais. Est-ce que je suis sage et je fais C'est un fait à Condition ou on y va avec une série musicale? On y va avec une série musicale, clairement, je pense. Hein? Donc, cette fois-ci, on va commencer une nouvelle série musicale. Enfin, un album que j'ai trouvé vraiment très, très cool. C'est un album de Retro Game Rock par par Megalixir, qui s'appelle Exodismal, voilà. On en parlera après. Pour l'instant, on va écouter la première pièce qui ouvre l'album. Voici Danger. C'est vraiment super bon, je trouve, personnellement. Megalixir, au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Un son auquel on n'est pas vraiment habitué au Mathieu Planchot, mais c'était l'album Hexadecimal par Megalixir. C'est un album, en fait, qui est une collection de pièces inspirées par les jeux vidéo, des thèmes de jeux vidéo, qui essaient de capturer l'identité du matériel source et articuler une traduction collective, selon eux-mêmes. On a entendu dans l'ordre, au tout début du bloc, Danger, une musique du jeu vidéo DuckTales sur la NES en 1990, oui, un jeu de Capcom. C'est Theme for the Moon, Green Cheese of Longevity. Mm-hmm. Ensuite, c'était I Am Carl Vlaros, musique de la séquence d'ouverture du jeu, de la cinématique du jeu de plateforme Blackthorn par la compagnie Blizzard en 1994 sur la Super Nintendo et Sega 32X. Un mix qui a été donc utilisé dans un épisode d'un podcast sur Internet, cette version-là. Donc, I Am Carl Vlaros. Ensuite, Moves, la chanson thème, musique thème de Tap Dog. Basé sur une composition originale Moves par Sycamore Drive. Mm-hmm. Et on a terminé avec Amazing, musique du jeu Puzzle de 1995, Kirby's Avalanche de la compagnie HAL Laboratory pour le Super Nintendo, avec des sections du tableau Stage Theme 3, de la chanson Stage Theme 3 et Dedede's Theme. Super compliqué tout ça avec les noms des pièces et non pas les noms des tableaux dans les jeux. Donc l'album s'appelle Hexadecimal par Megalixir. On a entendu presque la moitié. Il y a 9 pièces en tout, on a entendu 4. Donc on continuera avec la suite probablement pour la terminer. Si je regarde ça, oui, pour la terminer la semaine prochaine au Mathieu Plante Show. Comme on a plus ou moins de temps, en fait on aurait très bien le temps, ça me tente juste pas de le faire, pour cette fête avec Edition. On va retourner en musique avec Nanode et la pièce Sakura tout de suite. Je le dis, je te le mets transparent, je le dis quand ça me tente pas de faire quelque chose. Je suis honnête demain. Transparent. Paul Robertson et Ivan Dixon pour l'animation, ainsi que Jeremy Dower par le chiptune cover, bien sûr, de la chanson de thème d'ouverture des Simpsons qu'on vient d'entendre. Avant ça, c'était If I Was an Apple Tree par Just Been Warp Zone, et on a débuté avec Nano des Sakura. Un bon petit bloc, hein. J'avais dit que je sautais une chronique pour mettre plus de musique. Que voulez-vous, j'avais ramassé tellement de bonne musique, que c'est ce que ça donne. Hein? Et c'est là-dessus que va se terminer cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Vous retrouvez aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et vos palmarès c'est fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de studio sur assemblagerequis.com. On se quitte avec un mix énorme de musique. C'est en fait 19 chansons classiques de jeux vidéo dans un seul mix qu'on dit mellow, très très relax, par The Peterson. C'est la deuxième partie. Il y en a une première disponible en vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a la liste aussi des chansons utilisées dans ce remix-là. Ça dure un petit 5 minutes 30 environ. Essayez de deviner les jeux là-dedans. Indice, il y a des affaires que moi j'aime, comme Donkey Kong Country. Il y a des trucs que j'aime moins, comme Doom 2 et Silent Hill 2. C'est un mix incroyable que je vous offre là, en exclusivité exclusive. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Automatique suit mercredi. Qu'est-ce qui suit le jeudi? RJ pour tout! Et après ça, palmarès du monde à 17h. Bonne journée.